Dans ce débit de boisson, de fort mauvaise réputation, la fumée me nicotinait les yeux. Mais quand je t'ai vu dans ce ciel bleu, en ce nuage tu fis apparition, en ce mirage j'écris ma chanson. Ça jetait aux yeux de la poudre, grand Dieu c'était le coup de foudre. Mon pauvre cœur battait la chamade, ébranlé tout à coup par saccade. Au profond de mon intime conviction, rien n'explique cette folle agitation. Te trouvant tout proche de moi, j'en éprouvais un tel émoi, que je t'ai tiré par la fourrure, effleurant ta douce chevelure, souple soyeuse couleur châtain, et sous ton vison ta robe de satin. T'avais l'art d'affecter les mines, pour ma part je versais des rimes, dans le miroir de tes yeux en amande, j'y vis l'espoir d'amour enivrante, tu es la fraîcheur de l'eau vive, que sur l'or l'amour s'ensuive. La cause de ma folie ce jour-là, c'est que ton style me séduit. Sur toi, j'ai la main mise, sur de moi que tu m'es promise. Oublie ton passé défini, suis-moi si le cœur t'en dit. Tu me précédais dans l'escalier, et dans ce mouvement de montée, élégant, agile mais encore, valorisant l'argile de ton corps. Jamais tu ne me parus si belle que dans cette ascension au septième ciel. À la rampe j'ai dû me tenir, d'une crampe j'ai dû souffrir. Est-ce une erreur commise que ce désir de convoitise? Tant bien que mal je me mis à gravir, et tes hanches balancent à ravir. Pendant que je sabre le champagne, ôte-toi ce qui te sert de pagne, et en toi, beauté de rêve, je sens monter en moi toute la sève, un élan m'emporte et m'entraîne, viens ma beauté qu'on s'entraîne. Ni à moitié ni à demi, la pleine lune pour nous luit, que te plaise ma mélodie, que nous plaise notre harmonie. Je passerai mes nuits dans ton lit, où les heures et le temps s'oublient. Je passerai mes nuits dans ton lit, où les heures et le temps s'oublient. Je passerai mes nuits dans ton lit, où le temps s'écoule dans l'oubli.